Il est trop vrai qu'aurait sur une si grande armée une telle foison de nobles chevaliers que le roi de France alignait, bien peu de grands faits d'armes furent accomplis, car la bataille commença tard et les Français étaient très las et fourbus dès leur arrivée. Toutefois, les hommes de cœur et les bons chevaliers, pour leur honneur, chevauchaient toujours en avant, aimaient mieux mourir que de s'entendre reprocher une fuite honteuse. Il y avait là le comte d'Alençon, le comte de Blois, le comte de Flandre, le duc de Lorraine, le comte d'Harcourt, le comte de Saint-Pol, le comte de Namur, le comte d'Auxerre, le comte d'Aumale, le comte de Sancerre, le comte de Sarrebruck, et un nombre infini de comtes, barons et chevaliers. Il y avait là messire Charles de Bohême, qui se faisait appeler et signait déjà roi d'Allemagne, et emportait les armes, qui vint, en très belle ordonnance, jusqu'à la bataille. Mais, quand il vit que l'affaire tournait mal pour eux, il s'en alla. Je ne sais pas quelle route il prit. Ce ne fut pas ainsi que se conduisit le bon roi, son père, car il marcha si avant, sus aux ennemis, qu'il donna un coup d'épée, voire trois, voire quatre, et se battit avec une extrême vaillance. Et ainsi firent tous ceux qui l'escortaient. Et ils le servirent si bien, et se jetèrent si avant sur les Anglais, que tous y restèrent. Pas un seul n'en revint, et on les trouva le lendemain, sur la place, autour du roi leur seigneur, leurs chevaux, tous liés ensemble.